Chapitre 6. Pourquoi Jésus est-il mort? Avez-vous déjà réfléchi à l'étrangeté du fait que la foi chrétienne soit si centrée sur la croix où Jésus est mort? Après tout, la crucifixion était une méthode barbare d'exécution publique dans le monde romain antique, symbole de honte. Elle n'était utilisée que pour les esclaves et les criminels les plus notoires. Pourtant, les chrétiens ornent leurs églises de ce symbole et le portent même autour du cou. Ce n'est qu'après avoir commencé à étudier la Bible, à la suite de cette expérience qui a changé ma vie le soir du Nouvel An, que j'ai commencé à comprendre pourquoi. De nombreux passages importants du Nouveau Testament m'ont aidé. Mais celui sur lequel j'aimerais attirer votre attention ici est Luc 22, versets 7 à 20. Il relate ce qui s'est passé la veille de l'arrestation de Jésus et ce qu'il a lui-même dit au sujet de la signification de sa mort imminente. Voici quelques-uns des versets clés. Le jour des pains sans levain arriva, où l'on devait immoler la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque ». Lorsque l'heure fut venue, Jésus et ses apôtres se mirent à table, et il leur dit « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Il prit du pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». De même, après le repas, il prit la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous ». Je voudrais que vous remarquiez trois choses. Jésus savait qu'il allait subir une mort violente, et il a demandé à ses disciples de s'en souvenir toujours, à travers le repas sacré que de nombreux chrétiens appellent aujourd'hui la Sainte Communion. Pour lui, la croix n'était clairement pas une tragédie, mais l'aboutissement de sa mission divine. Jésus accordait une importance particulière au moment de sa mort. C'était pendant la fête juive de la Pâque, lorsque l'on sacrifiait et mangeait un agneau en souvenir de la délivrance miraculeuse et de l'évasion des Israélites de l'esclavage en Égypte plusieurs siècles auparavant. Mais lors de ce repas de Pâques, il n'y avait pas d'agneau sur la table. À la place, Jésus donna à ses disciples du pain et du vin qui symbolisaient le sacrifice de son propre corps et de son propre sang. Il révélait clairement un lien entre la mort de l'agneau pascal et sa propre mort. Jésus croyait que sa mort serait très bénéfique pour ses disciples. Il a dit que son corps serait brisé et son sang versé pour vous. En fait, cela marquerait un tournant dans l'histoire, rendant possible une nouvelle relation, ou alliance, entre Dieu et les êtres humains. Il faudrait beaucoup de recherches et un théologien bien meilleur que moi pour vous expliquer correctement ces trois points. J'espère sincèrement que vous aurez envie de lire la Bible et de réfléchir à ce sujet par vous-même, car je crois vraiment que c'est très important. Si vous le faites, je pense que vous découvrirez que la clé pour comprendre tout cela est notre besoin désespéré du pardon des péchés. Beaucoup de gens commettent l'erreur de penser qu'il est facile pour Dieu de pardonner les péchés. Ce n'est pas le cas. Il se soucie passionnément de nos nombreux échecs à nous aimer les uns les autres, et il doit exprimer la colère et la douleur personnelle que ses péchés lui causent. C'est pourquoi Jésus a donné tant d'avertissements sérieux au sujet du jugement divin. Mais comment alors pouvons-nous nous sentir en sécurité en présence de Dieu? La réponse est que, en Jésus, Dieu est venu dans le monde précisément pour pouvoir porter lui-même le jugement que nos péchés méritent. L'agneau pascal a été sacrifié par les Israélites afin que le jugement de Dieu sur l'Égypte passe sur eux et qu'ils soient sauvés. La mort de Jésus était l'accomplissement de cette histoire ancienne. Comme Jean-Baptiste l'avait prédit au tout début du ministère public de Jésus, il était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Beaucoup de gens se trompent à ce sujet. Ils interprètent la mort de Jésus comme si son but était de nous persuader d'être de meilleures personnes, en nous donnant un merveilleux exemple d'amour sacrificiel. Quand nous voyons Jésus sur la croix, disent-ils, nous avons mauvaise conscience de nos actes égoïstes et nous décidons de mener une vie meilleure à l'avenir. Bien sûr, il y a une grande part de vérité dans cela. L'histoire de la mort de Jésus a eu une influence morale très forte sur de nombreuses personnes, mais on pourrait en dire autant de nombreux martyrs courageux au cours des siècles. Cependant, lorsque l'on lit attentivement la Bible, on se rend compte que la mort de Jésus était très différente. Son but n'était pas seulement de changer notre perception de notre péché, mais plutôt celle de Dieu. Sur la croix, Dieu a rendu possible le pardon de nos péchés. Il aurait pu nous tourner le dos et nous traiter avec indifférence. Il aurait pu, en toute justice, déverser sa colère et nous envoyer en enfer. Mais voici la bonne nouvelle qui apporte l'espoir au monde. Son cœur divin aspire à la réconciliation. Il nous dit donc « Je vous aime, je veux que vous reveniez. Mais vous devez réaliser à quel point vous m'avez mis en colère et blessé par vos actes. C'est cette colère et cette douleur divine que nous voyons s'exprimer et s'absorber dans la honte, l'agonie, la passion que représente la croix. Comme Jésus lui-même l'avait expliqué à ses disciples lors du dernier repas de la Pâque, « Ceci est mon corps donné pour vous. » Certaines personnes s'opposent très vivement à cette interprétation de la mort de Jésus. « Il est scandaleux, disent-elles, de suggérer que Dieu infligerait tout le jugement que mérite le péché du monde à quelqu'un d'autre qui était complètement innocent. » Et bien sûr, elles ont raison. Un tel acte de substitution pénale serait tout à fait injuste. Mais elles passent à côté de l'essentiel. Pour Dieu, Jésus n'est pas quelqu'un d'autre. En Jésus, Dieu lui-même est entré personnellement dans notre monde. Le message étonnant de la Bible est que Dieu s'est fait homme, non seulement pour se révéler à nous, mais aussi pour nous sauver. L'apôtre Paul l'explique très clairement lorsqu'il écrit « Dieu réconciliait le monde avec lui-même en Christ, sans tenir compte des péchés des hommes. Dieu a fait de celui qui n'avait pas de péché un péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. » 2 Corinthiens 5, 19, 21. C'est également Paul qui nous en explique la raison. « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, 20.